regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie. Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Comment expliquer que 400 ans après Molière, nous rions toujours de bon cœur aux mêmes blagues ? Comment expliquer qu'après 4 siècles, le sens de l'humour, le ridicule et l'angoisse s'expriment de la même façon et provoquent chez le spectateur les mêmes effets ? Le secret de sa longévité réside-t-il dans le respect ou l'irrespect ? Molière est mort. Vive Molière, on commence par la fin. Splendide. J'ai froid. Je vais rentrer chez moi. Un médecin, vite, il faut un médecin. Où est donc Madeleine ? Il meurt ! Plus vite les chevaux ! Il meurt ! Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir. Ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine. Bonjour Éric Ruff. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes administrateur général de la Comédie Française, metteur en scène, scénographe et comédien. Est-ce que c'est le rêve de tout comédien que de mourir sur scène ? C'est le rêve de certains, oui. Ouais. Oui, oui. Mais oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on a traversé une sorte de réforme des retraites. Voilà, où tout d'un coup, ça faisait quand même pas mal marrer des gens comme Daniel Lebrun ou Didier Sandre, etc., qui ont quand même dépassé l'âge du capitaine depuis longtemps au niveau de la retraite. Un comédien, quand est-ce que ça s'arrête? Ouais. Pour le coup, oui, il y a les sociétaires ou pensionnaires de la Comédie Française ont quelquefois des âges absolument dingues par rapport aux autres salariés parce que eux ne s'arrêtent pas. Et alors, c'est quoi le trait? Quelquefois, c'est la mémoire. Assez régulièrement, c'est ça. Donc c'est la nature qui choisit. Ouais, la mémoire ou les genoux, enfin le fait que voilà, Michel Robin qui est décédé il y a quelques mois malheureusement, Michel disait tout le temps c'est moi qui tombe le mieux. Voilà, sa grande spécialité, c'était de savoir tomber. Et puis à la fin, il me disait, je fais plus exprès. C'était vraiment la petite différence. Contrairement à ce que dit le mythe, la mythologie, Molière n'est pas mort sur scène. Non, il n'est pas mort sur scène. Et d'ailleurs, on a appris finalement, il y a peu, enfin, on a effacé une sorte de vision un peu romantique que nous avions, et c'est comme ça qu'on me l'avait raconté à moi, d'un Molière qui écrit d'une façon un peu testamentaire le malade imaginaire, se sachant atteint lui-même. Et donc... tirant un petit peu sur, j'ai le droit de le dire ici, sur la corde, nous ne sommes pas dans un théâtre, oui, tirant un peu sur... Voilà, malheur, hein, parce que ça porte malheur, qui tire sur la corde jusqu'au bout. On sait maintenant qu'il ne le savait pas, voilà, qu'il est mort. Il ne savait pas qu'il était mourant quand il a écrit Le malade imaginaire ? Non, il ne le savait pas, et quand il a joué les 4 représentations, je crois, il ne savait pas du tout qu'il allait tousser de façon fatale. Effectivement, il s'est senti mal sur le plateau et il est mort chez lui, mais on peut lire Le malade imaginaire comme une pièce un peu testamentaire de quelqu'un qui a le courage ou le cynisme ou l'humour noir de se décrire lui-même se sachant mourant, ce qui n'était pas le cas. Et ce qui pourtant peut, aujourd'hui, dans le spectateur qui va assister à une représentation du malade imaginaire, comme il peut le faire aujourd'hui à la Comédie Française, hein, on est dans une mise en scène de Claude Stratz, avec Guillaume Gallienne dans le rôle d'Argan et Julie Sicard dans le rôle de Toinette, pour ne citer que ces deux-là, qui ouvrent la pièce. Il est difficile de ne pas penser à la fin de Vie de Molière. C'est une pièce crépusculaire. Vous disiez testamentaire, c'est aussi crépusculaire. Absolument. Et puis, de toute façon, tout le monde le sait. Enfin, cette pièce, j'allais dire, est entachée ou rayonne de la mort de Molière. Quand on rentre actuellement dans le péristyle de la Comédie Française, il y a le fauteuil de Molière qui généralement est dans la galerie des bustes. Pour que tout le monde puisse le voir, on l'a mis dans le péristyle. Et c'est pas juste un objet de tapisserie merveilleux en disant « Oh là là, il est très ancien ». C'est quand même celui dans lequel il n'est pas mort, donc, mais c'est celui dans lequel il a commencé à tousser, cracher du sang. Enfin, c'est ce qu'on raconte. On écoutait le Molière de Mnouchkine. Bon, c'est vrai que on a tous cette image-là extraordinaire. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Donc c'est le film qu'Ariane Mnouchkine a réalisé sur Molière. C'est 4 heures de film, je crois. 4 heures de film, absolument, qui date de 70, quelque chose au moins. Comme ça, ouais, je crois. 78. 78. Qui est, on se souvient tous de cette montée d'escalier avec un Molière qui a du sang partout sur la bouche et avec le plâtre de son maquillage. Et j'avais un souvenir de ça. Moi, je l'ai vu plein de fois gamin. J'étais persuadé qu'il y avait une espèce de ralenti cinématographique exceptionnel. Et en fait, c'est les acteurs eux-mêmes qui montent deux marches, qui en descendent deux, qui en remontent trois, qui en descendent deux. C'est eux qui font le ralenti à la Mnouchkine. Alors, comment fait-on, avant qu'on entre dans la pièce du malade imaginaire dont on va parler ce matin, Eric Ruff, comment fait-on pour mettre en scène, jouer Molière aujourd'hui? Je posais la question dès le début de l'émission. Est-ce qu'il faut respecter Molière ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de le malmener, faire preuve d'irrespect pour faire en sorte qu'il soit encore audible aujourd'hui? C'est ces notions-là qui sont échangées tout le temps entre nous et sur les plateaux, la notion du respect, du respect, de la conservation ou pas. On sait. Nous sommes la Comédie Française, il y a le collège Poquelin pas loin, il y a la statue de Molière, la fontaine, etc. On est un petit peu entouré de symboles, et il y a des bustes absolument partout, et des tableaux absolument partout. Il est partout. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'ils ne se ressemblent jamais. Donc déjà, d'un portrait à l'autre? Oui. L'irrespect vient du fait qu'on ne sait pas, mis à part peut-être les tableaux des frères Mignard, dont on dit que c'est les plus justes parce que ils l'ont connu, et qu'ensuite c'est plutôt des gens qui ont copié des copies, et puis c'est devenu, mais j'ai demandé à la conservatrice 60 portraits de Molière en gravure, en peinture, en statuaire. Il n'y en a pas un qui se ressemble, c'est extraordinaire. Donc c'est un personnage totalement fantasmé. Donc allez chercher le vrai dans tout ça. Et dans les pièces, c'est pareil. Donc les pièces, on sait on sait qu'un éditeur, au bout d'un moment, s'est dit voilà quelle est la version qui marche le mieux. Et ça n'est pas lui, ça n'est pas son écriture, on n'a pas une édition où il y aurait un mot biffé de la plume de Molière, on n'a rien, mis à part sa signature, on n'a rien de lui. Donc ça appartient à son temps, où à cette époque-là, on gardait pas les brouillons, on faisait pas histoire avec les essais. Une fois que on foutait tout à la cheminée, une fois que c'était édité. Donc et en même temps, c'est drôle de savoir que ce type-là, on court voir ses pièces 400 ans après, et peut-être qu'il avait aucune préoccupation de lui-même et de ce qu'il inscrirait dans l'histoire. Bon, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on sait que ce que nous respectons à la lettre, dans un papier Bible, dans un classique devenu Larousse devenu classique, en fait, c'est pas ce qu'il a écrit. C'est peut-être ce qu'il a écrit, mais on n'en sait rien. Quand vous voyez le monologue du sac dans Scapin, c'est en fait la retranscription d'une improvisation, d'une écriture de plateau qui, ce jour-là, a marché tellement qu'ils se sont dit « c'est ça qu'on va inscrire ». C'est-à-dire un éditeur ou le Lagrange, le scribe, qui a bien voulu essayer d'établir un petit peu les choses. Donc, quand on respecte la virgule qui n'a jamais écrite, c'est une drôle de manière de le respecter. Alors, il est où, Molière? Et quand finalement, on se donne la licence de s'en foutre un petit peu et de jouer avec le public, peut-être qu'on le rejoint un petit peu mieux. Oui, mais alors il est où, justement? C'est quoi Molière? Si le texte n'est pas vraiment de lui, c'est un esprit? Une pièce de Molière, elle se ressemble, les pièces de Molière, il y a une patte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, ce qu'il faut respecter, c'est le jeu. C'est l'inimaginable intelligence des situations, la drôlerie absolument dingue. Il y a des génies comiques, Chaplin, plein d'autres. Il y a Molière. C'est sur la mécanique du geste, sur la mécanique langagière. Raymond Devos, c'est un enfant de Molière. Molière est capable de faire des jeux de langage qui font encore hurler de rire les gens immédiatement comme ça. Et sur la peau de banane et la porte dans le nez. mais il est extraordinaire aussi. Donc, si on arrive déjà à récupérer cette chose-là, c'est lui rendre un peu un manteau d'Arlequin un peu italien, d'une certaine manière. Et puis, à l'intérieur des pièces, à chaque fois, il y a aussi ce Molière réflexif, ce Molière qui a fait une révolution théâtrale, ce Molière... c'est dingue, parce qu'en fait, il a tout inventé. On lit Pirandello, on se dit, mais Pirandello a lu Molière, on sait que Goldoni a lu Molière, voilà. On sait qu'il a, il est passé d'une structure italienne avec des archétypes à une structure réflexive, profonde, métathéâtre même. Et quand je rencontre de jeunes metteuses ou metteurs en scène qui ont du mal à quitter leur collectif et qui ont du mal à aller vers un texte parce que eux, ils ne font que l'écriture de plateau, je leur dis, mais Molière. Revenez à cette chose-là, il l'a déjà inventé, vous avez le droit de le faire, mais enfin, vous n'avez rien inventé non plus. Molière a inventé tout ce truc-là. Et la meilleure preuve de cette extraordinaire modernité de Molière, on peut la voir en ce moment à la Comédie Française, hein, dans la version du Malade Imaginaire qui se joue. Allez-y, chers auditeurs, c'était une mise en scène extraordinaire de Claude Stratz, dont voici les extraits, on va les entendre ce matin. Voici la scène 2 de l'acte 1 du Malade Imaginaire. Zola, Zola, oh, chienne à carogne, ah, diantre, soit-elle votre impatience. Vous pressez si par les personnes que... Je me suis donné un grand coup de la tête contre la corne d'un volet. Oh, traîtresse, il y a... Ah, il y a une heure, tu m'as laissé... Ah, mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Ça m'en va pas, j'en suis d'avis, après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller, carogne. Mais vous m'avez fait vous casser la tête. L'un vaut bien l'autre. Quitte à quitte, si vous voulez, hein. Quoi, coquine? Je suis querellée, je pleurerai. Me laisser, traîtresse... Chienne, tu veux... Quoi, il faudra encore que j'ai pas le plaisir de la quereller. Quereller tout votre sou, je le veux bien. Et tu me l'empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien. C'est pas trop. Alors, il faut en passer par là. Coquine. Oh. Non, ôte-moi ceci. Oh. Oh. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui. Ai-je bien fait de la bile? La foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à Monsieur Florent y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Oh. Oh. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Florent, là, et ce monsieur Purgon s'égaillent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à l'air. Je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. C'était donc la deuxième scène du premier acte du Malade Imaginaire avec Julie Sicard dans le rôle de Toinette et Guillaume Gallienne dans le rôle d'Argan. Quand on vous a demandé de quelle pièce vous vouliez parler ce matin, Eric Rue, vous avez tout de suite dit le Malade Imaginaire. Pourquoi? C'est celle... Alors, j'ai travaillé dans cette production, celle-ci. On l'a jouée plus de 500 fois. Je crois que la création est en 2001. Vous jouiez Cléante, d'ailleurs. Je jouais Cléante, ah, oui, le jeune premier qui se déguise en maître de musique pour essayer d'improviser un opéra impromptu avec sa belle pour essayer de se parler à travers la musique. Voilà, d'essayer de savoir s'ils s'aiment tous les deux, s'il y a vraiment une chance à courir. Donc oui, je connais cette production, mais je suis fasciné par cette... Je suis fasciné par cette pièce. Alors peut-être que c'est une pièce de maturité dans laquelle justement toutes les qualités de Molière sont pas testamentaires, mais de maturité dans laquelle toutes les qualités de Molière sont réunies. Elle me fascine. Elle est d'une extraordinaire efficacité. Alors là, l'extrait qu'on vient d'entendre, il n'y a pas de public. Oui, et voilà. C'est vrai que ça change la dynamique, ça change le ton des acteurs, c'est vrai. Ça change beaucoup la dynamique, parce que là, les gens rient, c'est une scène pure de dialogue italien. Là, c'est le grand thème des pères infantilisés par leur nourrice ou par leur servante, voilà, avec beaucoup de tendresse. Il y a dans cette scène, à un moment, quand il dit « Est-ce que j'ai bien fait de la bile ?» Julie Sicard sort de sous le fauteuil les selles d'Argan. Voilà, il les verse dans un seau et il y a un un hurlement dans la salle. Ah bah oui, c'est dégueulasse, oui. C'est dégueulasse, mais c'est toute la précision des accessoiristes. Mon lavement a-t-il bien opéré? Voilà, toute la précision des accessoiristes de la Comédie Française. Et c'est quoi alors? C'est parce qu'il y a exactement ce qu'il faut, de liquide, d'un peu dur et d'un petit peu mou. C'est un délire dans la salle. Voilà. J'adore cette pièce parce que pour moi, tous les paysages, toutes les influences et toutes les inventions de Molière y sont. Et encore une fois, c'est une efficacité absolument dingue. Il n'y a pas une réplique qui soit pas un carambar avec une blague à l'intérieur. On peut tout sertir, on peut absolument tout faire et on peut y pleurer, on y rit énormément et puis on y pleure et puis il y a effectivement une mécanique de comédia dell'arte et puis il y a aussi une réflexion sur la vie, sur la mort, sur la médecine, sur ce qui nous meut. Très profonde. Et vous avez remarqué dans cette scène-là, on entend une sorte de d'explication du jeu, de la comédie, puisqu'au fond, ce qui se joue entre Argan et Toinette, c'est ça, c'est un rapport de force de comédie. L'une dit, l'un dit, mais moi, je veux me plaindre, il faut que tu m'entendes me plaindre. Mmh. Et l'autre dit, d'accord, mais alors il faut que tu m'entendes pleurer. Oui. Et l'un et l'autre se mettent d'accord pour jouer leur partition, au fond. Absolument. Une plainte en efface une autre, comme un malheur en efface un autre, oui, c'est mécanique, absolument. Comme si, et ça c'est très présent dans cette pièce et dans cette mise en scène en particulier, comme si au fond, le jeu chez Molière ne se faisait jamais seul. On est toujours dans une interaction permanente avec celui qui est à côté ou celle qui est à côté, parfois c'est un groupe, mais au fond les personnages n'existent pas sans les autres. Non, ils n'existent pas, mais je crois qu'ils n'existent pas sans une complicité de jeu. Finalement, pour bien s'engueuler avec quelqu'un, il faut le respecter aussi et l'aimer. Il me semble qu'un des secrets de la longévité de Molière dans le public qui vient le voir et encore actuellement, c'est qu'il nous décrit, mais il nous décrit en se mettant à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une espèce de plume d'un aigu absolu. Voilà, il nous connaît et il nous croque avec une sévérité grande, mais une empathie extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui, du haut d'un Olympe moral ou ou du haut... c'est pas un Diogène qui, lui, ne touche plus au monde parce qu'il est resté dans son tonneau et qui peut nous décrire. C'est quelqu'un qui vit, Molière, et c'est ça que je trouve admirable chez lui. C'est que il n'y a pas une réplique derrière laquelle on sent pas ses contradictions, son orgueil, sa crasse humanité, son génie. Puis, il a laissé cette figure-là. C'est-à-dire, c'est celui qui doit faire avec le roi, sans doute aussi, oui, dans une fascination et puis un rejet bien mêlé, bien français. Voilà, il doit faire tout ça et en même temps, il a des problèmes économiques et en même temps il doit écrire très vite dans la nuit pour essayer de trouver un argument qui va faire que la pièce qui ne marche pas va être remplacée par une autre. Et puis il doit scoltiner les acteurs et ses amours à l'intérieur de la troupe. Donc il est à tous les niveaux et il trempe ses pinceaux dans toutes les encres, j'allais dire. C'est ça qui nous le rend aussi dingue, parce qu'on a l'impression qu'il nous apprend des choses mais qu'on profite de son génie parce qu'il fait partie de notre classe. C'est un pote de promo d'une certaine manière, Molière, et c'est pas quelqu'un qui est sur une chaire et derrière un bureau. Non, il nous fait pas la morale. Ouais, absolument. Et c'est pour ça qu'on accepte tellement qu'il nous tense comme ça, qu'il nous blague, qu'il nous décrive comme ça, parce que on adore ça, on sait qu'il nous aime. On sait qu'il nous aime et on sait à chaque fois qu'il se le dit à lui-même, cette chose-là. Donc il peut se moquer de nous, parce que ce qui absolument se passe quand même quand on voit Argan sur scène en train de faire ses comptes d'apothicaire, qui en plus dans la mise en scène, aux Français en ce moment, qui porte une couche, donc dès qu'il se retourne, tout le monde rigole parce qu'on a cet acteur avec une couche qui pend. Quand on va à l'hôpital et qu'on doit être opéré et qu'on nous met la petite blouse qui est ouverte dans le dos, c'est exactement la même angoisse. Hein. C'est que finalement, on s'identifie immédiatement. Ouais, absolument. Pourtant, le rôle de d'Argan est vraiment exacerbé, caricaturé. Ouais. Mais on s'y reconnaît et on rit un peu jaune. On se dit, ouais, mais moi aussi, en fait, finalement, est-ce que je suis pas un peu hypochondriaque? Toute cette première scène, en fait, il fait la somme des lavements et des médicaments, des mixtures qu'il a pris d'un mois sur l'autre. Et il s'aperçoit que le mois-là qu'il est en train de vivre, il a pris beaucoup moins de médecine que le mois d'avant. Donc il se dit, c'est pour ça que je suis plus malade. Voilà. Et nous, notre rapport aux posologies, notre rapport aux contre-indications et notre rapport, on appelle ça une écriture de pharmacien. On sait à quel point les pharmaciens écrivent mal sur nos boîtes de médicaments. On se dit toujours pourquoi est-ce qu'ils écrivent pas bien. On a l'impression qu'on est... L'angoisse vient du fait qu'on ne sait jamais lire une posologie, on ne sait pas lire une contre-indication. Et en plus, le 3 pilules par jour, même ça, on a du mal à le lire. Donc ça nous met dans une angoisse qui est exactement la même qu'Argan. Ça n'a pas changé. Nous, médecins qui sommes venus sur les plateaux, nous avons quand même beaucoup aidé à expliquer les choses, à clarifier un certain nombre de mystères. Soit on se vaccine, soit on aura la maladie. C'est un vaccin qui est une forme un peu de vaccin-médicament. Pour arriver à gérer l'incertitude, il faut souvent plusieurs points de vue. Normalement, je ne devrais pas dire ça comme professeur de médecine. Ça ne colle pas. Et c'est facile à comprendre. Hein. Vous avez 0,45 de liquide dans le flacon. Vous devez injecter, pour respecter le protocole, 1,8 de sérum physiologique. Vous arrivez à 2,25. Il faut injecter 0,3 de ce produit. Donc, divisé par 7, vous arrivez à 2,15. Et ça a probablement contribué à mieux appliquer les consignes et les recommandations des autorités sanitaires. Monsieur, je vous prie de me dire un peu comment je suis. Alors Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Ha ! Que dites-vous ? Dico, que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Oh ! Qu'il est duriuscule. Et pour ne pas dire dur. Oh bien ! Repoussant. Bene. Et même un peu caprisant. Optimé. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique. Hein? C'est-à-dire la rate. Fort bien. Ah non, Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble par le moyen du vase brevé du pylore. Et souvent des mea colidoc. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Ah non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment et vous ne pouvez être de meilleure main. Monsieur, combien faut-il mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombres pairs, comme dans les médicaments, par les nombres impairs. Vous aurez peut-être reconnu le diagnostic des diaphoirus. Nous sommes à la scène 6 du deuxième acte, et donc Argan demande à être examiné par ce médecin et son fils. C'est l'occasion d'une sorte de cours de médecine. Et au fond, ce que Molière montre dans cette pièce et dans cette scène, c'est que la plupart du temps, les médecins nous perdent avec leur jargon. J'allais dire, les médecins ne savent pas de quoi ils parlent. C'est vrai, dans le cas de la pièce, pas me permettre d'en dire autant des médecins qu'on a entendus. Hein. On s'est amusé parce qu'effectivement, les dialogues, les discours des médecins qui avancent des chiffres et des données auxquelles on ne comprend rien, on sort à peine d'une période où c'était le cas en permanence sur les plateaux de télévision. Au fond, Molière montre exactement la même chose. Le décalage entre ces savants, entre les mains desquels nous remettons notre vie et nous-mêmes qui ne comprenons rien, au fond. Absolument. Et il dit à un autre moment, ce que savent faire les savants, c'est parler le grec et le latin, bien nommer les maladies et bien les classer. Par contre, pour ce qui est de les soigner, c'est exactement ce qu'ils ne savent pas. Voilà, ouais. C'est une réplique de Bon, les médecins n'avaient pas le même statut à l'époque, faut quand même le dire au statut. Non, mais en même temps, effectivement, avant cette douloureuse crise sanitaire que nous venons de traverser, jouant dans cette pièce depuis des années, je me posais la question, effectivement, nous on est quand même dans une dévotion vis-à-vis de la médecine, celui qui peut avoir un IRM avant les autres, hein, il a l'impression qu'il est béni des dieux, donc on est très écoutant, donc je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient autant à cette moquerie sur les médecins. Et en fait, les extraits que vous avez passés sont dingues, parce que si Molière était là, mais il en ferait théâtre immédiatement. On a vu effectivement défiler des diaphoirus sur les plateaux de radio, de télévision, chacun avec un nom, professeur d'université, des choses extrêmement savantes, qui se contredisaient tous les uns les autres. Donc effectivement, la machine de l'homme a des voiles trop épais pour en dire quelque chose, ça c'est aussi une réplique de Bérald, et c'est fou à quel point cette crise a réactivé quelque chose. Il y a cette scène de la fin entre Bérald et Argan qui est extraordinaire. Donc Bérald, c'est le frère d'Argan. C'est le frère d'Argan. Bérald qui lui dit à son frère, mais en fait vous êtes pas malade, vous vous rendez malade en vous pensant malade, Et évidemment, Argan qui lui dit, mais vous savez pas ce que c'est que d'être malade, vous ne pouvez pas me comprendre tellement, moi, le fil de ma vie tient entre les ciseaux des médecins. Son frère qui dit, mais vous êtes dingue, en fait, vous êtes fou, c'est votre folie qui va vous faire mourir. En fait, ce dialogue-là, on le réécoute, mais il y a rien à jeter. Pas parce que c'est poétique et bien écrit, il y a rien à jeter parce que ça nous décrit absolument, et ça décrit les disputes scientifiques qui ont été accueillies sur tous les plateaux les plus sérieux de nos médias. Oui, au fond, ce que la pièce soulève, c'est notre propre capacité à croire, un, en l'efficacité de la médecine, deux, à notre possible bonne santé, parce que peut-être c'est difficile aussi de se croire en bonne santé. Absolument. Et puis, à notre angoisse de la mort, c'est pour ça que je pense que cette pièce est extrêmement profonde, même si l'angoisse de la mort ou la mort émaille absolument en thème toute l'œuvre de Molière. Mais celle-ci, c'est un thème qui me fascine. Louison meurt devant son père. Donc Louison, c'est la fille. Louison, c'est sa petite fille. Fait semblant de mourir. Il menace de lui donner le fouet et elle dit attendez papa, je suis morte, et elle tombe. Et lui croit vraiment. Et dans cette stupeur, évidemment, il perd toute colère. Et quelques temps après qu'il ait pleuré en disant « j'ai tué ma fille, mon Dieu, au secours, j'ai tué ma fille », elle se relève en disant « attendez, mon petit papa, je ne suis pas morte tout à fait ». Voilà. Ça fait hurler de rire les gens. Ce rire-là, il est toujours dingue, parce qu'on hurle de l'intelligence de cette petite fille, on adore et on est fou de tendresse de voir une petite fille jouer sur le plateau de la Comédie Française, mais en fait, on rit aussi d'une peur atroce. On assiste à une résurrection aussi. De perdre nos enfants, d'assister à une résurrection, et ensuite, Argan joue lui-même le mort, obligé et conseillé par Toinette, en disant « faites le mort, et vous verrez ce que pensent de vous votre fille et votre femme ». Il est très amoureux de sa femme, alors que tout le monde sait que sa femme n'est là que pour essayer de lui soutirer des sous et d'attendre de sa mort pour hériter de son argent. Et sa fille, qu'il veut marier à un médecin, est la seule qu'il aime d'un amour sincère et profond. Donc il propose cette chose-là. Il y a cette réplique qui est une des répliques que je préfère chez Molière dans cette pièce. Avant de consentir à aller sous le drap blanc et jouer le mort, il dit « n'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le mort ?» Voilà. Même de ça, il a peur. D'autant que Molière mourra deux jours après. Enfin, il meurt après la quatrième représentation. Oui, absolument. Absolument. Et encore une fois, sans doute, dans aucune conscience de ça, il était emporté. Peut-être le matin, se sentait-il en pleine forme. Alors, gardons cette scène où il joue le mort pour un tout petit peu après. Il nous reste du temps quand même, Eric Ruff. Je vous propose qu'on écoute, en revanche, le dialogue entre Argan et Bérald. Un dialogue incroyable. Donc, Argan et son frère Bérald. Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme puisse en guérir un autre? C'est ce que Argan répond à Bérald, qui lui dit « mais au fond, tu n'es pas malade et un homme ne viendra jamais te guérir ». Écoutez les arguments qu'emploient l'un et l'autre après avoir entendu la voix de Claude Strasse, donc le metteur en scène à qui l'on doit le malade imaginaire joué en ce moment aux Français. Ce qui est absolument bouleversant dans cette pièce, c'est quelque chose qui est, j'irais, d'ordre extratextuel. C'est absolument énigmatique qu'un auteur qui se sait gravement malade, et dont je pense qu'il savait qu'il avait très peu de jours à vivre, que tout à coup il se met à écrire une pièce qui s'appelle « Le malade imaginaire », ça jette dans un trouble, dans une perplexité extrêmement grande. Et ça donne un fond, une profondeur comme ça à cette pièce, absolument inouïe. C'est-à-dire, comment on peut jouer avec la maladie et la mort vraie? Et qu'est-ce qui pousse un auteur, tout à coup, à tourner ces choses-là en dérision? Quel degré de sérénité un auteur peut-il atteindre pour, tout à coup, parler de ces choses-là et les jouer? Pendant 4 représentations, il a, dans le 3e acte, jouant le rôle d'Argan, il a honni l'auteur Molière qui osait se moquer des médecins et a jeté vraiment, littéralement, un anathème contre lui. Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine. Et chacun, à ses périls et fortunes, peut croire tout ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous. Et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont pas les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui, affaire, de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon Nico, un bon impertinent. de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller y mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Mais que voulez-vous qu'il y mette que l'univers soit profession des hommes? On y met bien tous les jours les princes et les rois qui sont d'aussi bonne maison que les médecins. Par la mort dans des diables, si je n'étais que des médecins, je me vengerais bien de son impertinence. Et quand il sera malade, je laisserai mourir sans secours. Il aurait beau dire et beau faire, je lui ordonnerais pas la moindre petite saignée, pas le moindre petit lavement, je lui dirais crève, crève, ça t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. Voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Ils seront encore plus sages que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui s'il n'a pas recours au remède. Il a ses raisons pour n'en pas vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec les maladies. Mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Les seules raisons que voici. Tenez, mon frère, ne parlons plus de cet homme-là davantage, ça l'a mis chaud plat. Il vous donnerait mon mal. Je le veux bien, mon frère. Ça doit avoir un nom, d'ailleurs, la figure de style qui consiste pour un auteur à se citer lui-même dans sa propre pièce. Là, c'est vrai qu'on s'y attend pas du tout, hein, tant que spectateur, on assiste à la représentation, et puis tout d'un coup, le nom de Molière apparaît. Absolument. Argan, ça le rend fou, il déteste ce Molière, et au fond, Molière donne la parole à ses détracteurs au sein de la pièce, qui est la meilleure façon de les pulvériser, hein. Absolument, c'est comme la critique de l'École des femmes. C'est une pièce qu'il écrit après l'École des femmes. Il y a une cabale et il se dit « je vais écrire une critique beaucoup plus intelligente que les critiques seront capables de faire, donc c'est moi qui vais la faire ». Voilà. Et oui, c'est ce qu'on peut appeler le métathéâtre. C'est vrai que c'est très très surprenant. Là, Claude, lui, en 2001, reste persuadé que Molière se sait mourant. En fait, rien ne le prouve. Donc ensuite, quelles sont les intuitions des auteurs, ouais, ou non, mais rien ne prouve cette chose-là. Là, je crois que le fait qu'il prenne la parole pour lui-même, il joue le rôle d'Argan, donc évidemment, il adore. Oui, c'est Molière qui joue Argan. Oui, c'est Molière qui joue Argan. Donc c'est lui qui s'inscrit. Donc c'est lui qui dit, je déteste Molière, qu'il crève, absolument. C'est un grand plaisir d'auteur, interprète que d'avoir cet humour-là et cette élégance par rapport à lui-même. C'est absolument incroyable. Élégance et toute puissance, parce qu'encore une fois, quand on parle mieux que ses propres détracteurs, on est tout puissant. Absolument, puissants. Absolument. L'échange entre Bérald et Argan est long dans la pièce. On n'a entendu qu'un extrait, oui. Il prend beaucoup de temps. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'adressent l'un à l'autre en disant « mon frère ». On a « mon frère » à chaque dialogue, à chaque phrase échangée, il y a « mon frère ». Il y a une place particulière pour les frères dans le théâtre de Molière. D'ailleurs, ça arrive souvent que ce soit le frère qui vienne apporter la contradiction au personnage principal. Le frère, le beau-frère, ouais, aussi beaucoup. Donc, celui qui est de la même génération. Évidemment, il y a toujours on a appelé ça un peu bêtement les raisonneurs, parce que finalement, les raisonneurs ne sont pas des gens doctes qui n'ont qu'une version, ce sont aussi des gens qui doutent, mais qui permet justement à Molière d'expliciter, la chose. Là, tout d'un coup, dans cette scène, il dit, OK, je prends la médecine, la croyance en la médecine, le pouvoir de la médecine, j'en fais une scène et je vais la dialoguer. Là où c'est un immense dialoguiste, Molière, c'est que il ne donne pas une vérité à un personnage, et puis la simple relance à l'autre, ce qui est de temps en temps la construction ou le réflexe des mauvais auteurs, là, en fait, c'est comme Alceste et Philinte. C'est-à-dire que les deux points de vue se défendent absolument. Et donc, c'est extraordinaire que de donner à son détracteur une intelligence, une argumentation d'une solidité absolument dingue, comme si on se mettait soi-même des bâtons dans les roues, mais qui font que la pièce est extraordinaire, parce que on en ressort un tout croyant, la médecine va en ressortir un peu bouleversé, ne sachant pas, et un anti-vax aussi. Mais c'est exactement ça d'ailleurs, c'est vrai c'est pour être une querelle entre pro-vaccin et anti-vax. Oui, absolument. Parce que finalement Bérald va très loin, il dit quand même que selon lui, quiconque est malade ne devrait rien faire. Qu'un homme ne peut pas en guérir un autre. Oui. C'est quand même oui. une certaine, c'est pas une défense de la médecine ni une critique, c'est plutôt, là, pour le coup, un scepticisme total à l'encontre de toute possibilité de venir en aide à un malade. Oui, on parle de philosophie aussi, c'est-à-dire, il y a aussi des gens qui disent que, à force de prendre des médicaments, on affaiblit ses défenses humanitaires, et en gros, Bérald dit, on a un capital, il faut y croire aussi, et puis ensuite, ça s'appelle la vie, et donc ça s'appelle la mort. Ouais. Dans cette scène, ce qui est beau, est de dire, mon frère, ils sont pas jumeaux, mais en même temps, dans les familles, quand tout d'un coup, votre frère ou votre sœur a une maladie, ou quand votre père a eu Alzheimer, il y a toujours une espèce de petit doute génétique, comme ça, qui fait qu'en effet, miroir, on se dit, quand votre frangin a quelque chose, on se dit, oulala, le prochain qui va l'avoir, c'est moi. Il y a une espèce aussi de crainte, d'empathie, d'effet de miroir qui est magnifiquement beau dans cette scène. C'est vrai, ça insiste sur la tendresse qu'il y a entre les deux personnages, qui fait que leur querelle n'est pas celle de deux ennemis, justement, deux adversaires. Mais on en revient à la tendresse, il y a toujours cette tendresse-là, il y a toujours une tendresse entre Toinette et Argan. Toutes les Nicole, les Toinette, etc., toutes les servantes au grand cœur et au haut verbe, voilà, qui sont des déclencheurs, t'as l'impression que c'est elles qui ont l'autorité intelligente dans la maison. Il y a toujours une tendresse assez extraordinaire pour ces pères qui sont des enfants, en fait. Pour ces pères qui ne veulent pas lâcher, pour ces pères qui veulent épouser les femmes de leurs enfants, ces espèces de patriarches absolument débiles comme ça. Ouais. La plupart du temps, les mères ne sont plus là, les mères sont mortes. À chaque fois. Et il y a une belle-mère, sans doute un traumatisme d'enfance de Molière, mais il est vrai que l'absence de la mère dans toutes ces pièces est toujours le déclencheur d'une espèce d'incompréhension totale entre le père qui a dû seul élever ses enfants à coup de trique, ne sachant absolument pas comment le faire. Et c'est bien souvent la servante, en l'occurrence Toinette, qui prend les choses en main, qui est toute puissante, qui est en fait la véritable metteur en scène de ce qui est en train de se passer. Ouais. Et si Toinette, dans la scène que vous allez entendre, se déguise en médecin, elle se dit « la seule façon que j'ai de pouvoir guérir vraiment Argan de son hypocondrie, de sa dépendance totale au médecin, c'est d'insister sur le fait qu'il est effectivement malade et effectivement mourant. » Écoutez, cette fois-ci, c'est Catherine Hegel qui joue Toinette. « Donnez-moi votre poule. Allons donc. Que l'on batte comme il faut. Je vous ferai bien aller comme vous devez. Ce pauvre-là, c'est l'impertinence. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps, des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. Comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez. Ah oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin. Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon. Vous dis-je. Oh. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Au fond, le poumon, c'est la réponse à tout, Éric Ruff. Ici, le poumon, c'est la meilleure réponse le meilleur argument contre le dogmatisme, contre le complotisme. Cette scène, finalement, c'est ça que ça veut dire, c'est que quand on a décidé que les choses étaient ainsi, il y a aucun doute possible, aucun argument qui peut venir contrer ce qu'on dit. Le poumon, ça pourrait être n'importe quoi, ça veut juste dire point final, pas de discussion possible. Oui, et puis c'est aussi la première arme du complot que d'asséner une vérité contre toute raison. C'est ça. Voilà. À partir du moment où on le dit, c'est donc vrai. Mais dans cette scène-là, on n'a pas changé. On s'est tous retrouvés devant un médecin qui nous donnait l'état de notre vieille tante en nous donnant des noms de ce qu'ils allaient faire dans de mécanique. Et puis, dès qu'on revient vers les membres de sa famille pour dire « alors », on a déjà tout oublié, on ne comprend rien à ce qu'on nous a dit. Donc oui, le rapport à la médecine est absolument dingue. Là, c'était Catherine Hegel et Alain Pralon. Peut-être qu'on peut dire ça, parce que finalement, on parle d'une mise en scène de 2001 qui est encore jouée en 2022. C'est ça. Donc c'est assez extraordinaire, même si l'avare qui avait été mise en scène par Jean-Paul Roussillon avec Michel Aumont a joué 25 ans à la Comédie Française, donc on peut s'étonner de ces longévités-là. On écoutait Julie Sicard tout à l'heure. Julie Sicard, au moment de l'extrait que vous venez d'entendre, jouait Angélique, et elle joue maintenant Toinette. Voilà, l'âge venant, elle est passée dans d'autres catégories d'âge, et moi qui jouais Cléante, si je jouais encore maintenant, je me retrouverais en perte à voix russe, je pense, ce qui est normal. Mais ce qu'il y a de magnifique à voir, et je crois que votre émotion, ou ce que vous m'avez dit de la pièce que vous avez vue il y a quelques jours, vraiment, oui. C'est que l'équation qui est posée, et Claude disait, parlait d'extra-textuel, qu'il y avait une chose même au-delà du texte dans cette pièce, et c'est vrai qu'il a... Il a posé l'équation de cette pièce, Claude, avec un extrême bonheur, une extrême justesse entre la comédie italienne et le crépusculaire de cette pièce. Et en fait, quand l'équation est bonne, vous pouvez changer tous les acteurs. Bon, les acteurs sont pas tout à fait mauvais à la Comédie Française, ils sont plutôt réveillés, donc on peut se dire que c'est des bons acteurs, mais vous pouvez changer tous les acteurs, ça continue à marcher. Par contre, de temps en temps, les mises en scène, l'équation qui est posée n'est pas la bonne, où il y a ce que j'appellerais une bulle dans la colle, ce qui fait qu'il y a une fragilité quelque part, et là, vous pouvez mettre les plus grands acteurs de la place de Paris, vous n'arriverez pas à le tenir quand même. Donc il y a quelque chose à observer sur la longévité d'un spectacle, ouais. Sur le fait qu'on peut tout se passer à l'intérieur de ce spectacle-là, et qu'il tient incroyablement, parce que le premier est le bon. Quelle est la spécificité du jeu pour un comédien lorsqu'il joue Molière ? Est-ce que c'est un jeu qu'on ne retrouve pas dans d'autres pièces ? Si, c'est un jeu qu'on peut retrouver dans d'autres pièces, mais mêlé là avec une densité, une maille extrêmement serrée. C'est-à-dire qu'on a quelquefois... On se dit quelquefois, voilà, il y a certaines pièces qui sont en un acte, qui sont une espèce de pur argument de très tôt. Et puis il y aurait d'autres pièces comme Le Misanthrope ou Don Juan qui seraient tout d'un coup des pierres angulaires de votre culture française, etc., extrêmement sérieux. En fait, tout se mêle, il n'y a pas de différence dans chaque pièce. Et dans chaque rôle, et de réplique en réplique, il faut jamais oublier l'angoisse dans le rire. L'angoisse dans le rire. Molière est un clown extraordinaire, et les clowns extraordinaires sont toujours des angoissés, et généralement des hypochondriaques d'ailleurs, assez grands. Donc quand vous jouez Molière, là par exemple avec Guillaume, qui est un magnifique Argan, ce qui est assez beau, c'est que c'est un jeune Argan, même si le gris lui vient sur les tempes, c'est un jeune Argan, donc ça rend encore plus patente sa folie. Et Guillaume, à chaque fois que nous travaillons ensemble, je lui dis à chaque fois, quand tu te fais plaisir dans les boudouilles qui font hurler de rire les enfants, n'oublie jamais que le muscle, c'est l'angoisse. Donc, dans le rire, il y a toujours de l'angoisse. C'est ça qui est difficile, et c'est ça le grand bonheur des rôles de Molière, c'est qu'il n'y a pas une pièce qui est sérieuse, et puis ensuite, on passe à une autre pièce qui est une comédie. Les deux sont intermêlés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jugez. Quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà... Accablé d'une mortelle douleur, il ne peut souffrir l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre. Et son amour désespoir lui fait trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère pour apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Il le voit triomphant. Son rival ridicule auprès de l'aimable bergère ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée. Et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre le maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore. Et son respect et la présence de son père l'empêchent de lui rien dire que des yeux. Mais enfin, il force toute contrainte. Et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre ? Faut-il mourir ? Vous me voyez, Tircis ? triste et mélancolique aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire. C'est vous en dire assez. Ouais, je ne croyais pas que ma fille fût si habile que de chanter ainsi, à livre ouvert, sans hésiter. Alors, ce qui est formidable dans cette mise en scène, c'est que là, on a l'impression d'assister à une comédie musicale. Hein. Ça pourrait être Notre-Dame de Paris. On a tout d'un coup une chanson assez classique qui vient. C'est la seule manière pour Cléante et Angélique de se dire qu'ils s'aiment. Et le Cléante, ici, en 2001, c'était vous, Éric Ruff. Absolument. Dans Le Jeune Premier. Je vous parlais d'équilibre entre la comédie et la tragédie. J'ai toujours tendance à mettre beaucoup de tragédie. Je l'entends. Mais effectivement, c'était moi. Alors, je ne sais pas quelle année, mais... Oh, mais c'est ça qui fait rire. Il y a longtemps. Et la scène est extraordinaire à jouer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Le Malade Imaginaire était une comédie-ballet. Nous, on a réduit... On a gardé que l'arête narrative de l'œuvre de Molière, mais c'était comme Le Bourgeois Gentilhomme, et qui a une turquerie à la fin, qui a plein d'intermèdes, et danser et chanter. C'était, pardon, la même chose sur Le Malade Imaginaire. D'ailleurs, c'était le moment où Molière a travaillé avec Charpentier, parce qu'il ne travaillait plus avec Lully. Donc, il travaillait à des espèces de grands spectacles, un peu complets, avec danse et musique, et puis lui, il s'occupait, il faisait le dramaturge. Et donc finalement, cette scène-là est peut-être le reliquat d'une chose qui était, et que le berger Tircis et la bergère Phyllis étaient finalement à plein d'endroits de la pièce. Mais l'argument, ça c'est Molière. C'est-à-dire, il y a un mec qui rentre pour essayer de voir une fille qui n'a jamais pu lui parler, et rentre dans sa maison juste pour savoir si la fille a les mêmes sentiments, ils se sont juste envoyés des regards. Et pour pouvoir rentrer, il se déguise en maître de musique, alors qu'en fait, il ne sait pas chanter, il ne sait pas jouer de la musique. Et à un moment, parce qu'il est coincé dans la maison, Argan dit ben faites chanter ma fille devant tout le monde. Argan frime un peu en disant ma fille va chanter, on va avoir un petit opéra impromptu chez moi. Et donc le berger est obligé d'inventer un argument qu'il invente sur le moment. Donc c'est un muscle de jeu génial de se dire je suis en train d'improviser devant tout le monde. Et ensuite à travers la musique ils chantent et finissent dans ce duo à se dire je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et à se donner la preuve de leur amour, et c'est conclu. C'est une situation extraordinaire. Ouais. Donc là, en gros, vous me demandiez au début de l'émission qu'est-ce qu'il y a à respecter ou pas. Ce qu'il faut réussir à jouer dans cette scène-là, c'est la situation extraordinaire qui est proposée par Molière. Et ça fait hurler de rire les gens parce que la situation est tellement dingue, est tellement paroxystique, est tellement dangereuse, est tellement risquée, est tellement drôle que les gens en rient parce que c'est du grand théâtre. Mais on est là encore dans la méta-théâtralité. D'ailleurs, parce qu'on sait, le spectateur sait que le personnage est en train d'improviser, absolument, que eux seuls les deux personnages, Cléante et Angélique, se reconnaissent, Argan ne les reconnaît pas. Enfin, il y a énormément de sous-textes, de sous-entendus qui fait que cette scène est jubilatoire pour le spectateur aussi. Absolument, parce que et puis quand on joue Cléante, c'est jubilatoire parce qu'on joue aussi dans une connivence avec le public, sachant que c'est les autres acteurs sur le plateau qui sont les dindons de la farce, et notamment évidemment le père. C'est ça. Grand bonheur. Et c'est un jeune premier. On ne joue pas un jeune premier comme on joue un personnage plus mature, j'imagine. Non. Cléante, comme peut-être Damis dans Tartuffe, il y a quelques jeunes premiers qui sont très intéressants chez Molière parce qu'en fait, ils se déguisent. Ou Valère dans L'Avare est celui qui se déguise en intendant pour essayer de voir la jeune fille de la maison avec qui, encore une fois, ils n'ont échangé que des regards. Donc eux, comme ils sont duplices, ils sont assez intéressants à jouer. Ensuite, quand on joue les enfants de la maison, c'est toujours pas facile, et d'ailleurs très souvent on aime Molière à un certain âge quand on est acteur, parce que quand on est jeune acteur, en fait on joue beaucoup les jeunes premiers et les jeunes premières, et c'est comme si Molière en fait laissait ces rôles-là dans un archétype moins intéressant, et que quand on accède au rôle qu'il se donnait à lui, quand plus mature, là on rentre dans une profondeur et une complexité dingue. Donc très souvent, quand vous demandez à un jeune acteur de la Comédie Française, alors Molière, il est toujours un petit peu en disant c'est pas la punition, mais c'est pas la purge non plus, mais c'est pas simple. Et derrière, alors, évidemment, quand vous jouez Alceste, Philinte, Argan, Don Juan, Sganarelle, c'est exceptionnel, ou Toinette, ou Dorine, voilà. Ce sont des rôles géniaux à jouer. de temps en temps, on se pose la question, c'était qui comme acteur? On dit d'ailleurs, c'est autre légende, qu'il aurait eu des vues tragiques, voilà, et que c'était pas un très très bon tragédien, on dit ça, et que donc ça avait été un peu une douleur pour lui, et qu'en fait on le ramenait tout le temps à la comédie, parce que c'était un super clown, et il dit, écoute, fais ça, c'est vraiment ton... Quand on voit les rôles qu'il jouait, c'était un acteur extraordinaire. Comédien, comique, tragique, extraordinaire, parce que les rôles sont là à la hauteur de ce qu'il se proposait, donc les rôles sont à la hauteur de son talent. Et les rôles sont géniaux à jouer, donc c'était un acteur génial, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Vous pouvez encore jouer, vous, en tant qu'administrateur général de la Comédie Française ? Alors j'ai joué encore il n'y a pas si longtemps Don Alphonse Dess dans Lucrèce Borgia, parce que j'avais créé ce rôle avant d'être administrateur, et puis ensuite Thierry Ancis m'a remplacé, et puis ensuite il n'était plus libre à une reprise, et tous les copains m'ont dit, écoute, joue, ça va te faire du bien. Non, mais voilà. Donc vous pouvez, vous avez le droit. Oui, j'aurai le droit. Ensuite, l'administrateur est celui qui, avec les metteuses et les metteurs en scène, fait les distributions. Donc si je me distribue moi-même, il y a un petit conflit d'intérêts. Mm-hmm. Et j'ai quand même beaucoup d'amis de ma génération qui pourraient me taper sur l'épaule en disant « ça va Eric en ce moment, tiens, pas trop de travail ». Oui, mais alors est-ce que ça veut dire que vous avez renoncé au jeu ? Non. Non, parce que, alors je vous dis comment je le ressens, j'ai jamais eu l'impression depuis 8 ans maintenant, pratiquement d'administration, que j'ai fait autre chose que de faire du théâtre. Alors je passe évidemment beaucoup de temps en administration, en relations, voilà, je fais beaucoup ça, mais je continue à faire des décors et puis je continue à penser le théâtre qui va être fait à la Comédie Française sur une saison Molière, mais c'est moi qui l'organise, et donc c'est pas les mêmes outils, c'est pas la même temporalité, mais c'est toujours du théâtre, et finalement j'ai toujours l'impression d'organiser le jeu, même si c'est pas moi qui le joue, et puis j'y reviendrai. Le jour où je rejouerai, et la seule chose que je me poserai comme question, c'est où est-ce qu'on bouffe ce soir ? Ce serait une légèreté absolument dingue. Merci beaucoup Eric Riff. On va se quitter avec une dernière scène, un dernier extrait du Malade Imaginaire, la scène 12 de l'acte 3, où vous en avez parlé un peu au cours de l'émission, Argan va feindre d'être mort sur les conseils de Toinette pour voir comment sa femme va réagir, et ensuite ce sera Angélique aussi qui réagira, et évidemment la réaction ne sera pas la même. Et écoutez bien cette phrase, hein, n'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire le mort, prononcée par Argan, donc par Molière, juste quelques heures sans doute avant que lui-même ne meure, et puis les répliques de Toinette qui dit, mais finalement le défunt n'est pas mort, le défunt, oh le défunt n'est pas mort. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Ouais, oui, mais ne la laissez pas longtemps dans le désespoir, car elle en pourrait bien mourir. Oh, laisse-moi faire. Cachez-vous dans ce coin. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort ? Non. Quel danger y aurait-il ? Étendez-vous là seulement. Hop. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Voici madame. Chut, tenez-vous bien. Oh mon Dieu! Oh malheur! Oh quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Oh madame, qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort. Hélas, oui. Le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de me passer entre mes bras. Tenez, le voilà tout son long dans cette chaise. Le ciel en soit loué. Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Oh. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, ça n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne ? Et de quoi servait-il sur la terre ? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement, une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens et grondant jour et nuit, servantes et valets. Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque, par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'aie fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette, prenons par avant toutes ces clés. Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Oh, oh, oh, oh, le défunt n'est pas mort. Je suis bien aise d'avoir vu votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous venez de faire de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. Et pour la suite de la pièce et tout ce que vous n'avez pas entendu, courez aux Français. Enfin, en tout cas, j'invite les auditeurs à y aller, mais en même temps, Eric Ruff, je ne sais pas s'il reste des places. Il faut tenter sa chance. Voilà. Bon, y a peut-être, voilà. Il en reste aux débeautés. Bon, tentez votre chance jusqu'au 25 juillet prochain. En tout cas, la comédie française célèbre Molière à travers une dizaine de pièces de l'auteur, Le Malade Imaginaire. On verra bientôt Les Fourberies de Scapin, Le Bourgeois Gentilhomme. Absolument. Le programme est en ligne. Merci infiniment, Eric Ruff, d'être venu nous parler ce matin du Malade Imaginaire. Merci à vous, avec plaisir. On se quitte avec Frédéric Worms. On se quitte, nous deux, nous nous quittons. Mais la parole est à Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne de philosophie, Le Pourquoi du Comment. Pourquoi faut-il lire Václav Havel ? A-t-on déjà oublié la grande figure de Václav Havel, cette figure surprenante d'un écrivain, homme de théâtre, grand buveur devant l'éternel des cafés pragois, homme d'ironie et de tablées amicales, qui devint ensuite un grand dissident auprès de ses compagnons de la charte 77, puis devient le président, le premier président de la Tchéquie, de la République tchèque, de la Tchécoslovaquie, encore à l'époque, après la révolution de velours. L'a-t-on déjà oublié ? A-t-on oublié cette figure, cette incarnation de la résistance au pouvoir totalitaire qui accepta l'exercice du pouvoir dans la République tchèque d'après la chute des murs. Il faut, pour revenir à Václav Havel, commencer à le relire, à relire non seulement ses pièces de théâtre dont on peut s'inspirer dans la postérité ironique de Kafka et de Čapek, mais aussi le lire comme un grand philosophe du pouvoir et du contre-pouvoir. Il faut lire son grand texte intitulé « Le pouvoir des sans-pouvoirs » publié en 1978 ou circulant de manière clandestine en 1978 et qui avait été publié en français dans un grand recueil intitulé Essai politique. Il est plus actuel et plus nécessaire que jamais. Que dit Václav Havel dans ce texte ? C'est que dans la structure du pouvoir totalitaire, mais qui revient aujourd'hui et qui est peut-être toujours une menace dans les démocraties, le cœur du pouvoir, c'est ce qu'il appelle le mensonge, l'adhésion au mensonge. Le pouvoir se constitue par un système des contre-vérités auxquelles les citoyens adhèrent en croyant préserver leur vie et ils savent profondément que pour le mécanisme du pouvoir, que la soumission au pouvoir est d'abord l'acceptation du mensonge. C'est pourquoi, au fond, pour Václav Havel, le premier acte de résistance qui donne un pouvoir à ceux qui n'en ont pas, mais qui leur donne même un pouvoir immense, c'est le fait de vivre dans ce qu'il appelle la vérité. Il y a, dit-il, au cœur de ce texte de la charte 77 ou lié à la charte 77, il y a, dit-il, un pouvoir politique explosif et incalculable de la vie dans la vérité. Elle réside dans le fait que nous avons chacun en nous un sentiment irréductible, un sentiment caché de la différence entre le mensonge et la vérité, de la différence entre une vie fausse et une vie vraie qui a un sens, qui s'oriente en fonction de ses propres choix et de ses désirs les plus cachés et les plus profonds. Cette sphère cachée de la vie dans la vérité se développe comme le contre-pouvoir qui explique aussi que dès qu'un seul homme se lève, il fait tomber tout l'édifice du mensonge. Václav Havel a transmis le relais à Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en Chine, mais qui n'a pu recevoir son prix car il est mort en prison. Il a écrit une préface à son grand recueil « La philosophie du porc » qui mélange les deux critiques des deux mensonges qui se mêlent aujourd'hui dans certaines dictatures qui se disent libérales en économie, mais qui sont pires que jamais en politique. Pourquoi faut-il lire Václav Havel, qui a donné son nom désormais à la aéroport de Prague, parce que c'est le nom d'un grand critique du pouvoir qui croyait à la seule force de la parole, de l'ironie et de la justice. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le pourquoi du comment est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle en compagnie de Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Thaïs Éloi Hammer, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Nicolas Berger qui réalise l'émission, à la prise de son Hugo Renard. On est en retard, donc je vous donne rendez-vous demain pour le cours particulier du vendredi. Vendredi, je serai avec Mathilde Laurent, créatrice de parfums. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.